bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 171.0, un lobster qui est aux portes de l'automne. Et oui, il commence à faire froid le soir. Moi, je suis encore en vacances le jeudi et vendredi. Là, je continue à dépenser des vacances que j'avais d'accumuler. Et un soir cette semaine, je pense que c'est vendredi soir, j'étais dehors en train de faire de la sculpture. Ben dehors, j'étais dans mon garage avec la porte du garage ouverte et je fais de la sculpture. Je continue à faire des perros, là, mes petits bonhommes que je donne là, mes bonhommes en céramique que je donne lors de chasse au trésor. Mais là, je fais plus des petits bonhommes qui ressemblent aux Schtroumpfs ou à des super-héros. Je fais des monstres qui sont une fois et demie ou deux fois plus gros que les perros. Et c'est ça, un soir cette semaine, j'étais dehors en train de faire ça et je trouvais qu'il faisait plutôt froid, j'étais nu-pied et j'avais froid aux pieds. J'ai dû rentrer pour me mettre des souliers et me mettre une petite veste. Donc c'est ça, moi c'est ce que je fais durant mes vacances, beaucoup ces temps-ci. Je suis souvent dans le garage, je profite des derniers beaux moments pour faire de la sculpture parce que l'hiver je fais moins de sculpture puis ça sèche aussi moins vite. Je pense que je suis rendu à 26 ou 27 gros monstres de faits. Ça prend quand même, c'est plus long à faire que les petits perros. Ça me prend des fois une heure et demie, deux heures faire le monstre. Puis j'espère toujours qu'il ne cassera pas quand je le cuis. J'en ai cuit deux cette semaine, les deux que j'avais fait juste un petit peu avant août. Puis ils n'ont pas cassé. Il y en a un qui c'est un gros monstre, mais il est tout vide à l'intérieur. C'est pour recueillir l'eau de pluie qui passe dans les gouttières. Mon frère, il voulait ça. Il veut mettre ça en dessous d'une gouttière qui crache de l'eau. Puis le monstre, j'ai fait il va se remplir, puis il va cracher au début l'eau par la bouche. Ensuite, il va la cracher par ses yeux s'il mouille beaucoup. Et finalement, s'il mouille vraiment, vraiment fort, il va la cracher aussi par ses oreilles. Donc voilà, c'est ce que je fais de mon été, beaucoup de sculptures, puis là, les monstres qui sont cuits, j'en ai cuit aussi qui n'étaient pas pour mon frère, j'en ai cuit des miens, et il n'y a rien qui a cassé, mais j'ai cuit seulement ceux qui ont plus de un mois et demi environ, donc qui ont eu vraiment le temps de sécher. C'est sûr qu'en août, il a fait vraiment, vraiment chaud, donc ça a bien séché, là. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire cette semaine. Je vous passe l'émission que j'ai préparée la semaine passée pour le Grenier Pop. Je parle à ce moment-là de bande dessinée. Donc juste avant le Grenier Pop, on écoute une chanson de Disturb et je vous passe immédiatement le Grenier Pop. Donc voilà, bonne semaine! Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fools said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Play my arms that I might. echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign lashed out its warning, and the words that it was forming. In the signs and the words on the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour parler de souvenirs et de nostalgie. Et avec l'automne quasiment à nos portes, j'ai eu envie de plonger dans une de mes grandes passions. Une passion parfaite pour se réchauffer à l'intérieur alors que les feuilles changent lentement de couleur, se préparant à tomber à l'extérieur. Mais je ne vais pas vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Pour le découvrir, on va commencer avec une chanson qui vous mettra sur la piste de notre sujet d'aujourd'hui. Une chanson culte des années 80 qui a marqué toute une génération. On démarre avec L'Aventurier d'Indochine. Love. Et oui, l'aventurier du groupe Indochine avait comme héros Bob Moran, un personnage qui a traversé les époques autant dans les romans que dans les bandes dessinées. Et justement, cette semaine, dans le Grenier Pop, on parle de bandes dessinées. C'est une de mes grandes passions. J'ai chez moi près de 3000 bandes dessinées de toutes les époques. Depuis que je suis haut comme trois pommes, je lis des bandes dessinées et dès mon plus jeune âge, on m'a offert la BD en cadeau. D'après de vieilles photos que j'ai déterrées dernièrement, j'ai pu voir que pour ma fête de 7 ans, ma marraine m'avait offert la BD d'Astérix chez les Belges, que je possède d'ailleurs toujours dans ma collection. Et je vous confirme que j'achète presque uniquement de l'usager. Environ 95% de ma collection est de seconde main. Mon meilleur allié, les bibliothèques, qui organisent des ventes annuelles où les BD partent habituellement à 1$ pièce, les boutiques Renaissance qui les vendent 4,25$ et bien sûr les marchés opus. Le marché opus Saint-Michel étant l'un de mes marchés préférés. Maintenant, une des grandes questions qu'on me pose parfois sur ma collection et qui va peut-être vous intéresser, laquelle de toutes mes BD est ma préférée? Eh bien, ce que j'affectionne le plus dans ma collection, c'est une série, c'est un coffret de 3 BD qui s'intitule « Les enfants du capitaine Grant ». C'est Alexis Nesm qui signe le scénario, le dessin et les couleurs. Mais pourquoi cette série de BD est ma préférée? Tout d'abord, les illustrations sont tout simplement superbes et l'histoire nous plonge dans un voyage extraordinaire autour du globe. Et un détail important qui permet à cette série-là d'être numéro 1 dans ma collection, c'est que cette série de BD, qui est une adaptation d'un roman de Jules Verne, eh bien, Alexis Nesm a fait un choix audacieux. Tous les personnages sont devenus anthropomorphes. Les Glenarvan sont des tigres, Paganel est une grenouille, Mangle un renard. Donc, avec tous ces personnages représentés par des animaux, cela donne un ton quand même assez unique à l'aventure et la rend accessible à un public de tous âges. D'une excursion en mer, Lord et Lady Glenarvan font une découverte incroyable. Dans le ventre d'un requin, ils trouvent une bouteille contenant un message de détresse écrit par le capitaine Grant juste avant son naufrage. Le message révèle que le capitaine a disparu quelque part dans l'océan Pacifique et qu'il a besoin d'aide pour être retrouvé. Déterminé à le secourir, le couple part à l'aventure avec les enfants du capitaine et un savant fantasque, Paganel, toujours prêt à se lancer dans des expériences surprenantes. L'histoire, elle, se déroule au 19e siècle et tout au long de leur périple, ils vont affronter des tempêtes puissantes, ils vont explorer des îles mystérieuses et rencontrer des personnages hauts en couleur, tout en vivant des situations pleines de suspense et de rebondissements. C'est donc une aventure riche en action et en émotions, magnifiquement mise en valeur par des dessins qui donnent vie à chaque scène et rendent l'histoire encore plus captivante. Bref, c'est ma série préférée et je dis toujours à quelqu'un qui cherche un cadeau original pour une fête, achetez ce coffret, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez offrir autant à un jeune adulte qu'à un adulte. Ça coûte environ une 60aine de $ dans nos librairies, mais attention, il faut souvent le commander car ce n'est pas toujours en stock. En préparant cet épisode, j'ai fait de petites recherches. Je connais bien sûr très bien l'univers de la bande dessinée, mais je me questionnais. Quels sont les BD les plus vendus dans le monde? Eh bien, savez-vous quoi? J'ai été surpris par ma recherche. Ce qui est en tête du palmarès n'est même pas dans ma collection. Moi, j'aurais dit sans trop y penser, c'est probablement Astérix, Tintin ou Lucky Luke qui sont dans ce classement. Eh bien, sans avoir tort, je n'avais pas totalement raison. En première place, c'est une série japonaise que j'ai connue grâce à cette série live action sur Netflix. On parle ici de One Piece. Et oui, Avec plus de 516 millions d'exemplaires vendus, c'est la série qui est au top de ce palmarès. On parle quand même de 516 millions d'exemplaires vendus, c'est beaucoup, hein? Pour ceux qui n'ont pas vu la série sur Netflix ou lu de One Piece, c'est une saga de pirates pleine d'aventures, d'amitié et de quêtes épiques qui continue de captiver les lecteurs du monde entier. Donc voilà, c'est l'équipage du chapeau de paille qui est au top des ventes. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette série, on prend le temps d'écouter un bout de la bande-annonce de la série qui est passée sur Netflix, dont la saison 2 nous arrive en 2026 et la saison 3 est déjà signée. Donc on écoute ça. Mutinerie. Quel intérêt y a-t-il à devenir pirate? C'est la plus belle chose au monde. Les embruns qui te titillent les narines. Le vent qui te souffle dans le dos. Ton équipage loyal à tes côtés. Ça y est, il est prêt! Je dois voir quoi, là? Notre pavillon noir? Pour l'équipage du chapeau de paille. On s'élance sur la route de Grand Line. Une zone dangereuse de l'océan. Où les îles sont plus grandes et les pirates plus puissants. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Fragment Punch! À couvert! Luffy, ils sont à ta recherche. J'ai sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé ton derge. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Ce groupe, cet équipage, rien ne peut l'arrêter. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Tu es mon capitaine, dès maintenant et jusqu'à la fin. Je vais donc te botter le cul parce que personne n'embête mes amis. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Je suis Monkey D. Luffy. Et je vais devenir le roi des pirates. Tu savais pas qu'il y avait autant de pirates? C'est horrible. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où? Donc voilà, c'était la série One Piece disponible sur Netflix. Maintenant, en numéro 2 des ventes, une BD française cette fois qu'on connaît bien, c'est Astérix de René Goscinny et Albert Uderzo. Donc le petit Gaulois résiste toujours à l'envahisseur avec plus de 393 millions d'exemplaires écoulés. Maintenant, en numéro 3, on s'en va du côté des États-Unis avec Peanuts de Charles Milton Schlutz. Les aventures de Charlie Brown et Snoopy ont touché des générations avec 300 millions d'exemplaires vendus. En numéro 4, collaboration Belgique et France, on parle de Lucky Luke de Maurice et René Goscinny. Le Cowboy solidaire, lui, a vendu 300 millions d'exemplaires tout en restant le plus rapide de l'Ouest. Numéro 5, on retourne au Japon, Dragon Ball d'Akira Toriyama. Les aventures de Son Goku ont conquis le monde avec 300 millions d'exemplaires écoulés. Donc voilà, c'était le top 5. On parle quand même de ventes astronomiques de plusieurs millions de BD qui se sont vendus. Et sinon, dans cette liste sur Wikipédia que vous pouvez consulter, qui se nomme « Liste des séries de bandes dessinées les plus vendues au monde », on peut aussi noter que Tintin est là, la série d'Hergé. Donc, le célèbre reporter Globetrotter a vendu plus de 250 millions d'exemplaires. Et on retrouve aussi une autre série, « Bob et Bobette » de Willy Van Der Steen. C'est une série belge avec ses enquêtes et aventures qui a vendu plus de 200 millions d'exemplaires et reste un incontournable que je pourrais vous reparler un peu plus tard dans le Grenier Pop, car c'est une série que j'adore. Milo, regarde ça. La licorne. C'est une pièce tout à fait unique. Le plus beau navire qui ait jamais vogué sur les sept mers. Qu'on combien votre bateau ? Il n'est pas à vendre. Vous allez au-devant de grands dangers. Quelque chose est arrivé sur ce bateau. Quel secret renfermes-tu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La maquette cache un indice qui conduit à l'un des plus grands trésors de l'histoire. Bravo, Minou ! Pourquoi cet extrait du film de Tintin et le secret de la licorne? Eh bien, pour partager avec vous un petit secret de collectionneur. Saviez-vous qu'il existe un album de Tintin intitulé « Tintin en Thaïlande » ? Eh oui, c'est un pastiche non officiel des aventures de Tintin. Dans cette histoire, Tintin et le capitaine Haddock partent à la recherche de Séraphin Lampion disparu en Thaïlande. Sur place, ils découvrent un univers irrévérencieux mêlant corruption, prostitution et situations absurdes, très loin de l'esprit original d'Hergé. Fait important, bon, il s'agit, comme je vous le disais, d'un pastiche, donc d'une parodie humoristique et satirique, non officielle et controversée, qui a même fait l'objet de poursuites judiciaires pour contrefaçon avant d'être reconnue comme parodie. Et bon, je n'ai pas cette BD dans ma collection, je l'ai tout de même lu en version numérique. Évidemment, ce n'est pas très bon, ce n'est pas du calibre des vrais Tintin, mais ça reste une curiosité que je désirais quand même vous parler. J'ai déjà eu cette BD entre les mains il y a 10 ans environ. Elle se vendait à ce moment 50$ et j'ai jugé que c'était trop cher. Mais comme il existe peu de ces exemplaires et que les collectionneurs se les arrachent maintenant, alors le prix s'est envolé et il faut désormais débourser plus de 100$ pour mettre la main sur une copie. Voilà pour ce petit secret de collectionneur autour de Tintin. Maintenant, assez parlé pour l'instant, on prend une petite pause musicale, une chanson des années 80 qui cadre parfaitement avec le coffret Les Enfants du Capitaine Grant dont je vous parlais plus tôt. Il s'agit de la chanson Capitaine Abandonné du groupe Gold. On écoute ça dans le Grenier Pop sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Oh, De retour dans le grenier pop, où cette semaine on est plongé dans l'univers de la bande dessinée. Maintenant, qu'est-ce que je conseille comme première bande dessinée pour nos plus jeunes? Si vous cherchez une bande dessinée pour un enfant qui ne sait pas encore lire, un bon choix pourrait être la série Game Over. Il n'y a presque rien à lire dans ces bandes dessinées-là, juste un petit « ho » ou « hi-hi » par-ci et par-là. Mais c'est tout, dans ces albums, il n'y a pas de texte, il suffit simplement de regarder les images pour comprendre l'histoire. Et ce sont les aventures d'un petit barbare qui tente de sauver une princesse dans un monde inspiré des jeux vidéo. Chaque histoire se termine par un game over, illustrant la fin tragique du héros ou de la princesse, souvent à cause de pièges, d'erreurs ou de malentendus. Donc, Game Over permet à nos plus jeunes d'apprécier la bande dessinée dès leur plus jeune âge. Chaque histoire est comique et c'est tellement populaire qu'on les trouve facilement dans l'usager pour quelques dollars. Chez moi, nous, on a toute la collection et mes enfants adoraient cette série de l'auteur Midam, qui, au fil des ans, nous a rendu visite au Salon du Livre de Montréal. Sinon, si on augmente un peu la difficulté, quelle est à mon avis la série de BD à offrir à nos jeunes enfants qui commencent à lire? D'après vous, ils ont une couleur bien à eux. Ils sont tout bleus. Voici un extrait nostalgique tiré d'un de leurs films. Petit Schtroumpf, je voudrais Schtroumpfer. Schtroumpfer. Moi, je n'aime pas Schtroumpfer. Il vous faut un Schtroumpf. C'est ça, un Schtroumpf, il me faut pas un Schtroumpf. Un Schtroumpf? Un Schtroumpf? Un Schtroumpf? Moi, je n'aime pas les Schtroumpfs. Voici votre Schtroumpf. Comment ça, mon Schtroumpf? Ah oui, c'est le Schtroumpf que vous avez demandé. Ce n'est pas un Schtroumpf. Non, mais si, un Schtroumpf, quand on veut Schtroumpf. Non. Écoutez, je voudrais Schtroumpfer. Un Schtroumpf de Schtroumpf, c'est pas compliqué. Schtroumpfer? Un Schtroumpf? De Schtroumpf? Moi, je n'aime pas le Schtroumpf. On sait donner des mains. Et oui, les Schtroumpfs avec cet extrait qu'on vient d'entendre du film La flûte à ses Schtroumpfs. Au niveau de la série de BD, ils en sont rendus à l'album 43, Le Trophée des Schtroumpfs, qui est sorti le 29 août 2025, donc c'est tout neuf, tout beau. Moi, c'est une série pour laquelle j'achète les albums neufs dès leur sortie, parce que j'adore leurs histoires. Je passe toujours un bon moment quand j'ai une nouvelle BD des Schtroumpfs entre les mains. Mes préférés? Ben, s'il fallait en choisir deux, je dirais Schtroumpf les Bains. Dans cette histoire, on parle du Schtroumpf bricoleur. Épuisé d'être constamment sollicité pour tous les travaux du village, il décide de prendre quelques jours de repos au bord d'un lac. Toujours débrouillard, il construit une petite maison estivale qui inspire ses compagnons. Mais très vite, tout le village réclame ses vacances au bord de l'eau, transformant l'endroit en un village de vacances beaucoup trop populaire. C'est comique parce que lui qui voulait se reposer, ben, il finit par devoir construire un complexe en entier pour ses amis Schtroumpfs. Le deuxième album que j'aime, c'est Salade de Schtroumpf. Dans cet album, le Schtroumpf paysan, lui, utilise trop d'engrais, transformant ses légumes en géants. Et certains Schtroumpfs en fruits et légumes vivants. Donc, le village est vite plongé dans le chaos entre transformation et rire. Donc, les Schtroumpfs, c'est parfait pour nos plus petits, mais même à 51 ans, je dois vous avouer que j'apprécie encore beaucoup. Maintenant, je veux m'écarter un petit peu des sentiers battus. Je vais laisser les grands classiques pour vous amener dans les coins les plus obscurs de ma collection. Un classique de la BD européenne, les albums de Bob et Bobette dont on a parlé dans le classement des plus vendus. C'est une série de bandes dessinées belges de langue néerlandaise créée par Willy van der Steen en 1945. Eux, ils sont faciles à repérer. La couverture de la BD est toujours un encadré rouge. Et les histoires ont toujours été principalement humoristiques, intégrant toutes sortes d'éléments du folklore flamand et néerlandais, des contes de fées connus, des légendes populaires, de l'histoire et de la mythologie. Cela forme souvent le point de départ de leurs aventures. Mais, bon, dans ces BD, on nous amène partout, à la chasse aux monstres, dans l'espace, à l'époque de Jules César. C'est vraiment amusant. C'est un peu ancien. Ces BD coûtent maintenant une dizaine de dollars dans l'usager, car elles sont assez recherchés et il y a beaucoup d'albums pour compléter la collection. C'est quasiment impossible de la compléter. Ils en sont à 370 albums. Moi, j'en possède 27 selon ma liste. Donc, Bob et Bobette avec la couverture encadrée de rouge, une série que vous aimerez sûrement lire si vous pouvez mettre la main dessus. Maintenant, oh là là, j'ai tellement de choses à dire sur la BD, je pourrais faire plusieurs émissions du Grenier Pop là-dessus. Là, je veux prendre le temps de parler du Québec. Nous avons, nous aussi, de grands auteurs et dessinateurs de BD. Une série qui fait partie de mes préférées, qui est tellement le fun à lire et qui raconte des histoires qui sont proches de nous. Chaque année, on monte à Québec pour fêter la Saint-Jean-Baptiste avec la famille Beaulieu. Hey, c'est Benoît et Suzanne! Ici, on joue un jeu de cartes que j'ai jamais vu ailleurs. Ça s'appelle « J'achète ». J'achète! Ah! Mais écoutons, c'est à qui de jouer, là? Quand ça stagne, c'est pas. Ça a l'air que ça va mieux avec vos traitements de radio. Mais hein, je bande plus. C'est pas raisonnable. Là, t'es à la retraite, faut que tu fasses attention à ton budget. C'est beau, hein, bâtin! Qu'est-ce que tu dessines, des femmes à poil? Non, des feuilles tout nues. En haut de la deuxième étoile, il y a une petite étoile que personne ne voit jamais. C'est l'étoile de maman, puis de moi. Et oui, on vient d'entendre un extrait du film Paul à Québec. La série des BD Paul de Michel Rabagliati, eh bien, c'est de l'autofiction. Je l'ai entendu dire en entrevue que ce qui se passe dans ces bandes dessinées, c'est vrai à 80%. C'est probablement ça qui fait que j'adore cette série québécoise, car c'est des histoires qui nous ressemblent. Moi, la première BD que j'ai lue, c'est Paul a un travail d'été. C'est la première sur laquelle j'ai mis la main. Et ça parle de quoi? Paul, un jeune homme, décroche un emploi d'animateur dans un camp de vacances pour enfants. Au contact des jeunes et de ses collègues, il apprend à surmonter ses angoisses, à vivre en collectivité et à s'épanouir. C'est tellement bon, il y a même une petite histoire d'amour avec une autre monitrice, si je me souviens bien. C'est du bonbon à lire. Moi, je possède 4 BD de la série des Paul, mais il y en a une dizaine qui ont aussi été traduites. Donc, vous pouvez même les lire, d'après ce que j'ai lu, en anglais, espagnol, italien, néerlandais, allemand, croate et chinois. Donc, je pense qu'on peut être fier de cet auteur, Michel Rabagliati, qui fait rayonner le Québec grâce à son œuvre. Voilà, c'est déjà tout pour le Grenier Pop. Je dois déjà vous souhaiter à la semaine prochaine, en espérant que je vous ai donné le goût d'aller à la bibliothèque vous chercher quelques BD à lire. Au revoir! C'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le Grenier Pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop, le Grenier Pop. Le Grenier Pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop.